Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 236, spécial jazz au cinéma. Et pour cette émission de Cinéphage, je serai accompagné de François, le monsieur jazz de Radioactive. Bonjour François. Bonjour. Alors nous allons évoquer ses goûts cinématographiques et puis une partie de la filmographie autour du thème du jour, les films traitant du jazz. Donc, comme d'habitude, c'est pas exhaustif, hein, parce que on en a pas mal, mais voilà, à vous aussi de chercher après cette émission qui va sûrement être très passionnante. Si vous êtes pointu un peu sur le sujet, François va nous aider aussi, et donc ça permettra de compléter un petit peu l'émission. Alors François, dans la vie, quelle est ta profession ? Alors j'ai la joie d'être un joyeux retraité depuis 2 mois, mais auparavant, donc jusqu'à fin mars dernier, j'étais disquaire à la FNAC de Tours pendant 35 ans, depuis son ouverture en 1990. Amateur de disques, de musique, mais surtout de l'objet disque. J'ai toujours été une fascination pour cet objet, donc voilà, ça m'a tenu comme ça depuis tout petit. Et puis ça revient. Et puis ça revient. C'est ça qui est bien. On nous promettait la mort du disque vinyle, et puis finalement. Oui, et puis il est réapparu. On nous promettait la mort du disque CD. Il est toujours là. Et je pense que la VHS, on en rigole, mais. Mais. Ça revient. Parce qu'on n'est pas à l'abri. On refait encore, pour revenir au cinéma, il y a des gens maintenant qui ont regardé leur VHS et on refait à nouveau des magnétoscopes. Donc, de toute façon, c'est toujours très bien de pouvoir voir ce qui se passait avant, comme on en parlait en off. Alors sinon, quelles sont tes autres passions ou hobbies dans la vie ? Alors, les autres, c'est de courir les concerts à droite à gauche pour aller voir des groupes jouer aussi, parce que le disque, c'est bien, mais c'est un peu figé. Donc, voir les artistes jouer sur scène et se donner à fond, c'est quand même un autre plaisir différent, une autre manière de faire passer la musique, mais tout aussi important. Voilà, sinon j'aime bien le vélo, j'aime bien la photo, j'aime bien les expos, la peinture, etc. Voilà. Voilà, la tête et les jambes. C'est ça. Ok. Alors là, on va passer vraiment au sujet, on va rentrer dans d'autres sujets. Quel est ton premier souvenir de cinéma ? Eh ben, ça va nous ramener un petit peu loin en arrière. Mon premier souvenir de cinéma, et c'est un souvenir marquant, c'est Le Livre de la Jungle, Walt Disney, en 1967. J'avais 6 ans et c'est un copain de classe et ses parents qui m'ont emmené. C'est même pas avec ma famille, c'est un copain de classe qui m'a emmené. Et là, j'en ai pris plein les mirettes parce qu'on n'avait même pas encore la télévision à la maison. Donc, voir des images animées comme ça, avec une musique qui était d'enfer en plus, qui était très jazz en plus, ça a été un émerveillement total. Bon, identification avec Mowgli, mais aussi un petit peu avec Baloo, que je trouvais vraiment sympa. C'est vraiment mon initiation au cinéma et je ne pouvais pas mieux commencer. On a les mêmes âges, moi aussi, c'est le film qui m'a marqué. Mmh. Moi, c'était en famille, c'était mon oncle qui m'avait amené, c'est vrai que tout cet univers, en plus dans la jungle, c'était un peu moins traditionnel que les Walt Disney comme Blanche-Neige qui sortaient des contes, et là, c'était un petit peu exotique. Voilà, tout à fait. Puis avec des animaux. Et puis avec des animaux, voilà. Sinon, au niveau du format de cinéma, t'es plutôt 3D, noir et blanc, VO, numérique ou traditionnel ? Difficile de choisir. Je peux être les uns et les autres, c'est-à-dire que un bon film en noir et blanc, qu'il soit ancien ou moderne, que ce soit un Orson Welles ou que ce soit un David Lynch pour Elephant Man par exemple, tout est dans le traitement de l'image, la façon des contrastes, etc., de la profondeur de champ, etc. C'est un bon film en noir et blanc. Récent ou ancien, s'il est bien monté, s'il est bien amené, etc. Ça dit beaucoup de choses parce que ça nous transporte dans un réel un peu différent. À côté de ça, voilà, un film en couleur, on en prend plein les mirettes. J'avais noté, Stanley Kubrick, par exemple, il y a une affiche juste derrière toi, en plus. Stanley Kubrick, il y a une utilisation de la couleur qui est vraiment tout à fait particulière, tout à fait extraordinaire, hein, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est, les couleurs explosent à la figure. C'est chez Besson, chez, alors c'est marrant parce que chez Besson, il y a les deux, il y a le noir et blanc et la couleur, donc Dernier Combat, voilà, ce qui reste un film extraordinaire, où après, voilà, dans Le Cinquième Élément, c'est, et il est aussi à l'aise dans l'un que dans l'autre. Aussi bien que dans l'historique, voilà, avec Jeanne d'Arc. Voilà, tout à fait, voilà. Aussi, oui. Il peut passer voilà, donc, voilà, Wenders, c'est pareil, il fait de la couleur, il fait du noir et blanc. C'est, à chaque fois, il y a un grain particulier et chaque choix du noir et blanc ou de la couleur a un sens, en fait, dans ce qu'il fait. Donc, voilà, je choisis pas, quoi. Je trouve que dans chacun, quand c'est bien utilisé, quand ça participe de la manière de raconter une histoire, peu importe que ce soit du noir et blanc ou de la couleur, voilà. C'est l'important, c'est, voilà. C'est l'histoire, et puis voilà. Comment ça est fait. Par contre, sur l'aspect traditionnel versus numérique, je suis plus quand même traditionnel, parce que le numérique, c'est bien, ça permet de faire des trucs hyper impressionnants, style Le Seigneur des Anneaux, avec 50 000 combattants et tout. Bon, ça, c'est... Mais bon, en même temps, c'est un peu facile, quoi. Ça enlève un peu de la magie du cinéma. Voilà, quand Orson Welles tourne Othello, il a 50 canassons et 50 mecs, mais on a l'impression quand même qu'ils sont 2000. Tout est dans la manière de filmer et de rendre la profusion de personnages. Après, c'est surtout pour le coup, je pense, ouais. Aussi pas mal. Oui. Refaire les 10 commandements, des grandes batailles, ou Ben Hur, des grandes... Là, c'était des figurants. Oui. Et c'est vrai que derrière, il faut les payer quand même. Faut, voilà, et puis, ouais. puis même à diriger. Hein, c'est expliqué, Peter Jackson, justement. On avait du monde, mais faire les grandes batailles comme il y a eu dans Le Seigneur des Anneaux, ça aurait été impossible de trouver, mais déjà en Nouvelle-Zélande, ils auraient pris une grande partie de la population. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Alors la vaste question, qui est toujours la question la plus difficile, entre guillemets, pour pas mal des invités, c'est que représente le cinéma pour toi ? J'avais noté, le cinéma, pour moi, c'est la vie en mieux. C'est-à-dire que on retrouve les aspects de ce qu'on peut vivre ou de ce qu'on souhaiterait vivre quand c'est de la science-fiction, etc. En mieux, forcément, parce que c'est cadré, il y a des acteurs qui sont forcément mieux que nous dans la vie, il y a une histoire qui est contée, etc. Donc il y a cet aspect, voilà, projection de quelque chose qui pourrait être notre vie, mais un peu idéalisé. Voilà, pour moi, c'est ça, le cinéma. Quand je rentre dans une salle de cinéma, j'ai envie de voir une sorte de vie upgradée, quoi, voilà, comme on dit aujourd'hui. Quelque chose de mieux que ce qu'on nous propose dans la réalité. Voilà. Puis bon, c'est vrai que de nos jours, la réalité est compliquée, on a vraiment plutôt envie de s'échapper de la réalité que d'y être. Bon, c'est quand même, il y a des bons moments. Oui, aussi. Aujourd'hui, par exemple. Voilà. Et puis, les rencontres qu'on peut faire, ça. Mais c'est vrai que le cinéma, c'est un moment d'évasion de la vie traditionnelle, en général. Eh bien, maintenant, on va encore plus focaliser sur toi et le cinéma. Alors, quels sont ton ou tes trois films préférés et pourquoi ? Alors, mes trois films préférés, je crois que j'en ai noté 12, mais c'est pas grave, j'en prends que 3 quand même. Des films vraiment marquants, il y a Aguirre ou la colère de Dieu de Werner Herzog, que j'ai vu, que je vais avoir 18 ans. Avec un Kinski. Klaus Kinski. Barré et Kinski, c'est dur de... Voilà, ça va avec, c'est son deuxième prénom. Aguirre ou la colère de Dieu, donc sur l'histoire des conquistadors qui se perdent dans la jungle, dans un univers complètement hostile, alors qu'ils croient aller trouver l'Eldorado et qu'ils vont trouver la mort, en gros. Je vais pas spoiler, mais voilà. Avec un Klaus Kinski complètement allumé, qui et Werner Herzog était pas pas mal dans son genre, oui, aussi comme réalisateur. Fitzcarraldo, voilà. C'est pas mal, hein, aussi. C'est pas mal aussi, ouais, ouais. Mais voilà, avec une musique qui était très prenante d'un groupe allemand qui s'appelait Popol Vuh, qui avait fait une musique aussi très prenante là-dedans. Mais voilà, c'est un film moite, poisseux, enfin désespéré, mais avec des fulgurances extraordinaires, quoi. Enfin, et puis ce regard de Klaus Kinski là, sous son casque en métal, et tout ce regard complètement exorbité qui semble vouloir aller vers un absolu impossible et dont on se doute qu'il ne sait même pas lui-même ce que c'est que son absolu, quoi. Enfin bon, voilà, c'est une dérive, ce film. C'est vraiment une dérive sur l'Amazon. Mmh. Ouais. Là, c'est fait un peu, le Apocalypse Now de cette époque. Quoi. Il n'y a pas des conquistadors. J'avais jamais pensé à ce genre de dérive, mais c'est... Ouais. Ensuite, La Jetée de Chris Marker, un petit film pas très très long, en noir et blanc, qui date de 1966, si ma mémoire est bonne, qui ensuite a été adapté et rallongé dans une version moderne par Terry Gilliam dans L'Armée des Douze Singes, qui est un excellent film aussi, mais La Jetée, pour moi, c'est vraiment une sorte de film de science-fiction muet, qui est formé juste d'images qui ont vraiment vraiment marqué mon rapport au cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ellipses dans ce film, hein. On raconte pas tout. C'est vraiment une suite de scénettes qui s'enchaînent et à nous de tracer les chevaux qui va amener jusqu'à la fin. Ça nous fait réfléchir en même temps, mais c'est pas douloureux. C'est une réflexion très intéressante. Et qui amène à un final qui laisse un peu pantois. Mais voilà, ce film-là, c'est vraiment un gros, gros marqueur de mon rapport au cinéma. Ouais. En plus, un film, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, parce que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas, ils connaissent L'Armée des Douze Singes. Oui, voilà. Mais comme souvent, on nous l'a fait le coup avec The Revenant, on a fait le coup avec Gladiator. Quand on connaît un peu le cinéma, le même thème, après, c'est pas des copier-coller. Mais, non, du tout. Mais des fois, c'est très proche. Et justement, par rapport à La Jetée, je me permets de me poser une question. Où commence le cinéma d'expérimentation et le film? Parce que La Jetée, on peut le dire, c'est plus un collage de 13 minutes qui raconte une histoire, on dirait presque un livre audio. Oui, c'est presque ça, oui, en effet, oui. Un livre audio, un roman en photo, c'est ça, sauf qu'il n'y a pas les petites bulles pour expliquer. Il faut chercher soi-même l'explication, le lien entre les images. Donc, bonne intervention de notre ami Vincent, qui a la technique. J'avais oublié de le citer aujourd'hui. Donc, si vous voyez une petite voix, en plus, de temps en temps, qui vient saupoudrer un petit peu l'émission, ben c'est Vincent qui est à la technique. Donc, ton troisième film? Le troisième film, on va aller dans des choses plus récentes, quand même. Ça va être Bienvenue à Gattaca. Un très très beau film de science-fiction, là aussi réflexion, qui nous interroge sur l'avenir de l'humanité, les dérives de l'avenir de l'humanité, justement, avec là aussi Uma Thurman et Ethan Hawke qui sont absolument extraordinaires dans ce film-là. Et c'est vrai que oui, ça laisse beaucoup de questions. Oui. Quand on voit les dérives actuelles. Oui. Moi, ce qui me fait peur, c'est que, par exemple, 1984, on disait, oh là là, c'est de la science-fiction. Fiction, mais non. Eh bien, on y est arrivé. On est en plein dedans. Quand on voit des films comme Gattaca, pareil, science-fiction. Oui. Quand on voit ce qui arrive avec le Covid, avec les recherches génétiques où on essaye de. Pour le bien de l'humanité. Voilà. Et les milliardaires qui s'envoient en l'air dans des fusées pendant 3 minutes. Voilà. Alors que la recherche médicale pour où nos hôpitaux sont complètement surchargés, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, sur ces belles considérations, il y a un bon choix de film assez éclectique. Alors, maintenant, si je te demande quel est ton acteur préféré et pourquoi? Mon acteur préféré. Ouf, ça c'est une question compliquée. J'avais lancé pas mal de noms. Je te donne une possibilité. un français s'il y en a un dans ton et un étranger. D'accord. Comme ça. Français, j'avais mis Charles Denner. Charles Denner, un acteur très magnétique, je dirais, dans sa manière de jouer. C'est vrai qu'il a ce côté très nerveux, très, et pareil, un regard assez fascinant. Et c'est vrai qu'il est, voilà, quand il apparaît à l'écran, on a presque l'impression que les autres disparaissent. Il capte toute la lumière et l'ombre en même temps, parce qu'il a souvent des rôles un petit peu ambigus, voire sombres, donc très sombres même. Et voilà, c'est vraiment un acteur dont j'aime beaucoup le jeu, très très nerveux, très Et c'est marrant parce que c'est à fleur de peau. On l'a souvent vu dans des seconds rôles, oui, mais il marque dans les films, ouais, où il est, tout à fait, comme, ouais, tu dis, ouais, si bien. Et ouais, souvent les gens ou qui ne connaissent pas franchement le cinéma disent, ah oui, ce gars là qui joue des rôles, comment il s'appelle déjà, voilà. Mais par contre, ouais, bah, on regarde la filmo, elle est pas mal, elle est pas mal. Et puis on se rend compte que c'est des seconds rôles, mais quand ils ont une scène avec la star, souvent c'est eux qui mangent la scène, quoi. Enfin, on regarde presque plus des nerfs que celui auquel et puis ils ont souvent une posthume, c'est-à-dire que ces gens-là, avec le temps, vont dire, ah bah oui, connu, c'était, ouais, avec Charles, voilà, Denner. Ouais. Alors que du temps de leur vivant, bon, oui, c'est un oui, lui, on le voit bien, mais second rôle. Et après, bah oui, c'est pour ça qu'ils ont un rôle important. Et au niveau étranger, est-ce qu'il y a un acteur qui te... Oui, c'est difficile. Je vais faire dans le plus récent, pour pas citer encore les grands Orson Welles ou Marlon Brando, mais voilà, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, là aussi, un acteur que je trouve magnétique, parce qu'il a un regard absolument incroyable, qu'il a joué dans des rôles absolument complètement éclatés, quoi, de Zero Will Be Blood à My Left Foot, il était absolument... Et au dernier des Mohicans. Et le dernier des Mohicans, bien sûr. Qui est vraiment, voilà, là. Non, c'est vrai que... Ou les Gangs of New York aussi, et à chaque fois, il compose On est à fond dans le personnage. On est à fond dans le personnage, hein. C'est comme De Niro, c'est un caméléon. Il est capable de se glisser dans tout. On sait que c'est lui, on sait que c'est Daniel Day-Lewis, comme on sait que c'est De Niro, mais ils sont tellement complètement dans leur personnage que on marche à chaque fois. Puis des transformations physiques. Oui, en plus, ouais. Ils vont même jusque là, quoi. Ouais, c'est pas le cas de tous les acteurs. Ouais, mais en même temps, voilà, il y a la transformation physique, mais ça n'éclipse pas le jeu. Vraiment, et puis le rôle est préparé, voilà, quoi. Ouais, ouais, ils se mettent vraiment dans la peau. Je pensais au boucher, justement, dans Gang of New York. On n'aimerait pas rencontrer un gars comme ça. Non. Alors que dans Le Dernier des Mohicans, c'est plutôt le sympathique, le héros, mon cœur. Oui, tout à fait, oui. Mais il est fou, c'est encore une chose différente. Mais c'est vrai qu'il se fait une très très bonne carrière et il continue pour notre plus grand plaisir. Voilà, et puis bon, on sent qu'il choisit ses rôles, quoi. Il pourrait en faire 10 fois plus, mais à chaque fois, il se concentre, il travaille sur un an, une année complète, ou voire plus, et il est complètement dans le truc. Voilà, c'est là qu'on pourrait l'opposer à De Niro, qui accumule un peu les... voilà, on a l'impression qu'il a besoin de faire les fins de mois, pourtant une star comme ça... Je pense que c'est pas le cas, mais... Mais je pense que c'est plutôt du cabotinage pour De Niro. Il aime bien... D'ailleurs, dans ces films-là, il aime bien tirer la couverture à lui. Moi, je pense à certaines comédies. Oui, récentes. C'était pas forcément du De Niro qu'on attendait. Voilà, voilà. Mais bon, ça reste quand même un superbe acteur. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas choisi. C'est pour ces dernières années. Et maintenant, au niveau des actrices, pareil, tu as le droit à deux choix. Voilà, alors deux choix. Bah, chez les Françaises, Juliette Binoche. Juliette Binoche, parce que là, c'est du naturel, je dirais. Elle se glisse dans ses rôles sans surjouer jamais. Elle semble toujours être dans son élément et elle semble vraiment toujours être l'héroïne du film dans lequel elle est. Quoi. C'est presque du mimétisme, quoi. Et elle est charmante. et voilà, non, mais c'est que ce soit dans Le Patient anglais ou dans des films plus récents, les films plus sociaux, etc. Carrière internationale. Ouais, une carrière internationale. Ce qui est toujours à noter parce que chez les femmes, c'est encore plus dur que chez les hommes, souvent. Tout à fait. Et qu'il n'empêche pas de revenir faire des premiers films. De l'art essai. Etc. Enfin, vraiment, voilà, elle a une palette, elle aussi, très, très large et une personnalité que je trouve super attachante, quoi. Ouais. C'est marrant parce que quand tu as parlé de surjouer, choses comme ça, tout de suite ce qui m'est venu à l'idée, c'était Marion Cotillard avec Batman, oui. La fameuse scène de mort. Ah bah ça, c'est un grand moment. Pour sa défense, elle était enceinte à ce moment-là. Oui, pas une raison. Non, non, mais ouais, c'est vrai que c'était terrible. Ça, cette scène de la mort, moi, ça m'a rappelé, on digresse un peu, Peter Sellers dans La Partie, quand il meurt au début, quoi. C'était ça. Sauf que là, c'était un film parodique, voilà, et là, oui, c'était y avait pas le même niveau un film sérieux. Et au niveau étranger, quelle actrice te parle un peu plus, dirait-on? Meryl Streep. On va dire. J'avais noté aussi Frances McDormand, mais bon, Meryl Streep pour l'ensemble de sa carrière. La carrière, c'est bon. Elle mérite. Oui, et voilà, pareil, qui est aussi une femme naturelle, une femme qui se glisse dans chaque rôle sans que ça fasse un effort, quoi. Que ce soit dans The Deer Hunter ou dans La Route de Madison ou dans Out of Africa, elle est d'un naturel absolument. Et même des films d'action, je pense à La Rivière Sauvage avec Bacon. Oui, ouais, tout à fait. On oui. s'attendait, moi je pas du tout de l'avoir. Je l'attendais pas à avoir un rôle aussi physique. Et elle est vraiment crédible. Oui, ouais, non, c'est assez étonnant. Et pareil, là, un charme simple. Voilà, quand on l'entend, quand on l'écoute parler, on est sous le charme de sa voix, de son regard, très très beau regard qui ressemble à aucun autre regard, je trouve, dans le cinéma. Elle a vraiment des yeux particuliers. Et voilà, mais c'est vrai que, en plus, pour moi, le Voyage au bout de l'enfer de Deer Hunter, ça a été vraiment aussi un choc au cinéma. Et la scène finale où tout le monde se retrouve autour du repas de Thanksgiving, là, c'est. Et puis on s'attend pas. C'était un peu la mode des films sur le Vietnam, mais là oui. c'est vraiment. Ah, celui-là, oui. C'est très, très différent, oui, c'est autre chose. Dans la pauvreté des rednecks, un petit peu qu'on voit de l'Amérique. C'est pas l'Amérique, New York, les beaux quartiers. Non, là, on est vraiment dans le fin fond de l'Amérique. Voilà, et donc. Ouvrière. Voilà, et tout ce côté, avec ce côté amitié, mais à la fois elle, amitié. Et c'est, moi j'avais trouvé très très bien. Et puis le casting voilà. Déjà, John Savage, ça aide aussi du beau monde. Au niveau des réalisateurs, est-ce qu'il y a un ou deux qui passent vraiment au-dessus des autres pour toi? Oui. Mais c'est assez dur parce que c'est vrai. C'est dur, puis il y en a beaucoup. Et puis, c'est pas toujours parfait, heureusement d'ailleurs. Oui. Bon, il y a tous les grands anciens, j'ai déjà cité Orson Welles, Hitchcock qui m'épate à chaque fois, quoi. Truffaut, Kurosawa, j'adore le cinéma japonais aussi. Mais bon, peut-être. On va dire. Allez, j'en prends deux. Martin Scorsese et David Lynch, je dirais. Quand même, parce que alors Scorsese, parce que là aussi c'est des univers assez différents d'un film à l'autre, il est capable de nous étonner complètement en sortant de ces zones de confort aussi, en faisant des films comme Kundun ou comme ça y est, le titre me revient pas, l'histoire de Méliès. Hugo Cabret, voilà. excellent film aussi. Et puis, bon, ces grands classiques, Taxi Driver et autres, c'est vraiment des films qui marquent, qui sont frappants, parce que là, il y a de l'image forte, voire hyper violente par moments, etc. Mais en même temps, ça prend pas le dessus, ça prend le dessus visuellement, mais derrière, ça raconte une histoire. Voilà, ça raconte une histoire qui raconte l'histoire d'hommes, souvent assez simples d'ailleurs, qui nous emmène, quoi, qui nous épate. Et puis être capable de faire un choix, un casting en général, avec des gens qu'on n'imaginerait pas forcément. Oui, c'est vrai. Sacha de Baron Cohen, par exemple, de Hugo Cabret. Oui, dans You. Oui, hein, de voir Borat et puis ce chef de gare, par exemple, qui est vraiment excellent, c'est ce que je dis. C'est un acteur c'est là qu'on voit que c'est un acteur qui c'est pas seulement l'humoriste. Et puis ce qui est fort en plus, c'est d'avoir réussi à passer d'un livre qui est exceptionnel, parce que le bouquin dont c'est tiré est vraiment un truc. Moi, quand j'ai vu qu'il allait adapter ça, j'ai eu très très peur, parce que le bouquin, je le trouvais vraiment excellent. Et il réussit à cette transcription avec. Il y avait des images dans le bouquin. C'est un livre, mais avec c'est pas un roman graphique comme on dit, mais voilà, il y a quand même ce côté, les dessins qui apparaissent dans le livre sont vraiment très forts, et il a réussi à le transposer complètement différemment, mais en respectant quand même tout à fait la trame et le développé de l'histoire du film. C'est vraiment magique. Et puis David Lynch, parce que David Lynch, quoi, parce que Eraserhead, parce que Elephant Man, parce que Mulholland Drive, et tout, et puis les Twin Peaks, voilà. C'est un cinéaste de l'étrange qui flirte avec la réalité, et on sait jamais où on est, c'est ça aussi qui est... Des univers bien glauques. Hein, bien glauques, mais en même temps très poétiques. C'est pas du glauque pour le glauque. Il y a vraiment du sens derrière ce côté glauque. Et c'est ça. On ne sait jamais trop sur quel pied danser avec lui. On cherche des raisons. On cherche Mulholland Drive. Moi, j'ai vu 5 fois. J'ai toujours pas tout à fait tout compris dans ce film et tout. Mais c'est ça qui est excellent, quoi. C'est que il y a des films où on les voit une fois et puis on n'a plus envie de les revoir parce qu'on a tout compris, tout est basique, etc. Là, chez Lynch, à chaque fois, on est entre la réalité, la fiction, et puis ce côté onirique qui est la complexité de l'humain aussi. Voilà, tout à fait, oui, il rend très bien le... Elephant Man, Twin Peaks, voilà. Les gens qui sont d'apparence gentille peuvent être des bons salopards, et à l'inverse... le monstre, je pense à Amérique, qui est finalement quelqu'un, c'est une maladie, qui est le plus humain de tous les personnages du film. Et je pense à cette scène où il dit je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Boum. Oui, ça change tout. Ouais. C'est le regard des autres. C'est inhumain. Et aux musiciens, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a une musique de film que tu adores écouter, réécouter, toujours avec plaisir? Voilà, alors, formidable, j'en ai retenu qu'une. Incroyable. Parce que c'est vraiment, pour moi, le musicien, enfin, l'homme qui a le mieux illustré les films et qui a fait une carrière exceptionnelle. C'est Nino Rota, c'est la musique de 8,5 de Fellini. Et cette musique-là, pour moi, c'est le cinéma. Il y a une part de cirque dans sa musique. Il y a une part de film, de musique symphonique. Il y a une part de jazz. Ce thème de 8,5, pour moi, c'est vraiment le synonyme de cinéma. J'entends cette musique, je vois la porte d'un cinéma qui s'ouvre et il y a un grand écran qui apparaît devant moi. Quoi. C'est vraiment, c'est magique. Et je sais pas quand ça remonte, la première fois que j'ai entendu cette musique, je me souviens plus exactement, mais il y a vraiment eu, ça a vraiment ouvert quelque chose. Il y a eu un déclic autour de cette musique en me disant, mais qui a écrit ça? J'ai vu le film plus tard et j'ai eu un peu de mal d'ailleurs à le voir parce que c'est un film un petit peu barré aussi, 8,5, c'est un film particulier de Fellini, mais cette musique là vraiment elle reste vraiment comme ancrée en moi, comme le symbole du cinéma. En plus c'est l'époque des Cinecittà, du grand cinéma italien, Mastroianni. Voilà, qu'on n'a pas évoqué encore, mais qui est tellement extraordinaire. Merveilleux. Et on espère, se relèvera de ses cendres, parce qu'il y a des films italiens, mais c'est plus. C'est malheureux à dire. Hein, Autant le cinéma américain a évolué, en bien ou en mal, après le cinéma français, pareil. Mais le cinéma italien, il n'y a plus cette aura qu'il y a eu. Qui a été pris par exemple par les Espagnols. Les Espagnols continuent, les Coréens par exemple qui explosent, ou les Japonais qui continuent aussi. Ouais. Mais le cinéma italien, c'est vrai, a été un petit peu en déclin, même s'il y a toujours des bonnes choses. Eh bien, ce que je te propose, c'est de faire une première pause musicale avec la bande originale de Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud. Très bon choix. Qu'il avait d'ailleurs composé sur place, hein, seulement de le dire. Oui. Hop, on lui met le film et il a joué en direct. Et là, je trouve ça extraordinaire. Oui, un exploit qui a été réédité d'ailleurs par Neil Young pour la musique d'un film de Jim Jarmusch. Ça m'échappe. Jonathan Livingston. Non. Il y avait aussi une très bonne... Ouais. très belle bande, mais là aussi, c'est Neil Young a fait la musique d'un des films de Jim Jarmusch avec Johnny Depp. Deadwood. Deadman. Deadman. Voilà. Deadman. Et pareil, c'est pareil. On lui a projeté le film et il a improvisé la musique sur le film, comme pour l'ascenseur pour les chats. Je n'avais pas cette anecdote. Donc, comme quoi, dans Cinéphage, on est toujours à la pointe avec nos invités. Bien, retour après cette superbe intro musicale de Miles Davis au spécial jazz au cinéma avec François. Eh bien, François, quel est ton genre de film préféré ou tes genres Eh bien, mon genre préféré, comme on a peut-être pu déjà le deviner un peu, c'est ce que j'appelle la science-fiction intelligente. C'est-à-dire la science-fiction qui fait réfléchir justement sur l'avenir de l'humanité, de notre planète, etc. Ouais, j'avais déjà cité... pratiquement dire de l'anticipation. De l'anticipation, voilà. La jetée, l'armée des 12 singes, on en a parlé. Interstellar, Soleil vert, grand film aussi sur l'avenir de l'humanité, La planète des singes, 2001, Odyssée de l'espace. Voilà, tout ça, c'est des films qui font partie de mon panthéon. Brésil. Fantastique film de Terry Gilliam, voilà, où chacun à sa manière anticipe, alors avec humour ou pas, avec tragédie, avec sur l'avenir de l'humanité. C'est ça que j'aime bien. Il y en a un autre aussi que j'aime bien comme ça, c'est Planète interdite, un vieux film qui était avec Robbie le robot, qui était excellent. Excellent. Et puis c'est vrai que c'est le début de l'intelligence artificielle. Voilà. On voit vraiment. On parle d'anticipation, déjà on parlait, c'était déjà le cas. Oui. Et par contre, quel est le genre de film que tu aimes peu ou pas du tout? Alors, pas du tout, c'est les films d'horreur. Alors ça, je suis pas du tout client de ça. Quand je dis horreur, c'est vraiment les trucs sanglants. Oui, les slasher, le massacre à la tronçonneuse, le saut. Ouais, et ça, moi, ça me... ça me fait pas rêver. Vraiment, j'évite. En plus, ça me file des cauchemars après. C'est terrible. Justement, parlons de cauchemar ou bien, et quel est le film qui t'a le plus marqué en bien ou en mal? Pareil comme la musique tout à l'heure, un film dont tu te souviendras toujours d'une scène ou... Eh ben, le film qui m'a le plus marqué pour moi, c'est Trafic de Jacques Tati en 1971. J'avais 10 ans et mon père nous a emmené voir ce film avec mon frère et ma sœur et j'ai halluciné quoi parce que alors là on devait juste avoir eu la télé depuis peu de temps à la maison. Et là, de voir cette espèce de film incroyable, qui est pratiquement un film muet, à part la bande-son qui utilise les bruits, en fait. Mais les dialogues sont réduits à des... On entend les gens parler comme ça. Ça m'avait paru... j'avais 10 ans, ça m'avait paru complètement hors de la vie encore. Voilà, c'était la vie, pas forcément en mieux, mais... une caricature de la vie qui était extraordinaire. D'une modernité, voilà, où on retrouvait un petit peu de l'imagerie à la Charlot, parce que Tati, c'est vraiment des attitudes, des scènes muettes qui sont hilarantes, mais d'une manière différente de Chaplin, mais voilà. C'est le Mr. Bean de son époque. Quelque part, on retrouve un peu. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Alors, le dernier film que j'ai vu, c'est le Complete Unknown de James Mangold, qui raconte les débuts de Bob Dylan à New York entre 61 et 65, on va dire, et que j'ai, avec Timothy Chalamet, que j'ai adoré, que j'ai trouvé. Je suis un gros fan de Bob Dylan, et j'y allais un peu en me disant, qu'est-ce que ça va donner? J'avais adoré ce qu'il avait fait avec Johnny Cash, avec Walk the Line. Donc je me suis dit quand même, et puis j'ai attendu un petit peu que mes amis me donnent leur ressenti, et puis visiblement le ressenti était vraiment excellent chez tout le monde, donc j'y suis allé, et vraiment j'ai été bluffé. Et pas déçu. Pas déçu du tout de ce film, ouais. Alors imaginons que tu décides de faire une soirée avec des potes, et tu leur dis, tiens, c'est ma soirée, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir trois films. Quel est ton programme? Alors, mon programme. Alors, comme c'est quand même une soirée entre amis, je ne vais pas les plomber avec des films, des films longs et chiants, on va dire. Donc, je me suis dit, je vais partir plutôt sur deux comédies. Le premier, c'est Un poisson nommé Vanda. 1988, une partie de l'équipe du Monty Python avec Michael Palin, qui est un mec que j'adore parce qu'il est complètement frappadingue et tellement anglais en même temps. John Cleese, qui est extraordinaire. Kevin Kline là-dedans, qui en fait des tonnes, mais qui est parfait. Et Jamie Lee Curtis, dont on est tous follement amoureux. C'est un grand film nonsense à l'anglaise, comme je les adore. C'est vraiment super. Ensuite, deuxième film, tu l'évoquais tout à l'heure, donc voilà, je le sort The Party de Blake Edwards avec Peter Sellers, qui est juste un truc de dingue, où de la première minute à la dernière, on est écroulé de rire sur le fauteuil. Peter Sellers est énorme là-dedans. Et je me souviens d'avoir partagé ce film avec mon fils aîné, alors qu'il avait que 10 ou 11 ans. Et je l'ai jamais vu rire autant de toute sa vie, quoi. Il était plié en deux du début jusqu'à la fin. Comme quoi, c'est un humour qui passe très bien chez... Moi, je l'ai présenté à pas mal d'amis de différentes nationalités de la partie. Les gens ne le connaissent pas. Je les initie. En général, on va sur YouTube pour le renommer. Ouais. Et la fameuse scène de rien que dès le début, on met les pieds. Tout à fait. Et puis le troisième, d'un côté un petit peu plus sérieux, c'est Le bal des Torrescola, qui est un film, là aussi, un petit peu particulier, puisque c'est un film essentiellement musical, mais c'est pas une comédie musicale, je suis pas très comédie musicale dans l'ensemble, qui raconte l'histoire du 20e, un peu même avant le 20e siècle, l'évolution de l'histoire un peu de France, et du bal autour de tous ces gens qui changent de costume, qui changent de musique au fil du film, et un film très poétique, très beau, très, très esthétique sans être esthétisant. C'est vraiment très, très humain. Et puis, Torrescola, il a quand même pas fait que ça. Et on parlait du cinéma italien, c'est un très, très, très, très grand réalisateur. Et bien, maintenant, nous allons passer au portrait cinémois. Et... Alors, si tu étais un film. Alors, si j'étais un film, eh ben, High Fidelity de Stephen Frears. Alors, parce que forcément, j'ai été disquaire, donc c'est un film qui me parle. Que c'est tiré d'un bouquin absolument extraordinaire de Nick Hornby, qui s'appelle High Fidelity aussi, Haute Fidélité en français. Et avec un John Cusack, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui joue merveilleusement bien dans ce film. Alors un film pour les amateurs de musique et de rock et de soul en particulier, mais pas que quoi. Il y a vraiment une humanité là-dedans. Stephen Frears, c'est un réalisateur que j'adore aussi. J'ai pas cité tout à l'heure, mais bon, c'est vraiment très humain, très très social. Et là, il s'aventure sur de la comédie, mais pas que. C'est vraiment vraiment chouette. Si tu étais un acteur. Alors, si j'étais un acteur, là, je vais vous laisser deviner, c'est Salvatore Caschio. Est-ce que tu te souviens de Salvatore Caschio? Parce que moi-même, j'étais obligé de chercher le nom. Si je te dis Toto, si je te dis Philippe Noiret. Cinéma Paradiso. C'est le petit acteur qui joue le gamin dans Cinéma Paradiso. Voilà, j'aimerais être ce gamin dans ce film de Giuseppe Tornatore qui est vraiment superbe. Parce qu'il découvre le cinéma, parce qu'il y a toute une initiation que lui fait le projectionniste qui est joué par Philippe Noiret. Et moi, c'est les yeux de ce gamin quand Philippe Noiret allume le projecteur et que le film de fil, il a des yeux extraordinaires, il est attachant, il est formidable. Et voilà, j'aimerais toujours garder, quand je vais au cinéma, ces yeux émerveillés et ce plaisir. Même dans cette scène de fin avec tous les baisers coupés, même quand il est adulte, il y a toujours cette image du petit enfant qui redécouvre le cinéma. C'est un vrai beau film. Ouais. Et enfin, si tu étais un personnage de film. Alors, un personnage de film, on va prendre un petit peu de hauteur. J'aimerais être l'ange Damiel, joué par Bruno Ganz dans Les ailes du désir de Wim Wenders. Cet ange qui regarde les humains vivre, qui essaie de les comprendre, qui essaie de d'influer un petit peu sur leur vie, mais pas trop parce qu'il n'a pas trop le droit, etc. Et qui finalement, à la fin, choisit de devenir humain et de laisser tomber ses ailes. C'est un personnage que je trouve à la fois terriblement humain, bien que ce soit un ange, et qui transporte avec lui un peu tout le poids du monde. Et c'est vraiment un personnage qui m'a toujours beaucoup, beaucoup ému. Eh bien, je te propose à nouveau de faire une pause musicale avec la bande originale du fameux New York, avec Liza Minnelli et Robert De Niro bien sûr. Eh bien, nous voici à nouveau dans l'émission Cinéphage spéciale Jazz au cinéma, et aujourd'hui notre invité c'est François. Mais oui, bonjour. Eh bien nous allons passer au coup de cœur. Et le coup de cœur premier sera le coup de cœur vidéo avec La Mule, The Mule, un film américain réalisé par Clint Eastwood, un grand fan de jazz, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc un film sorti en 2018, donc assez récent. C'est l'histoire de Earl Stone, qui est un paisible horticulteur âgé de plus de 80 ans, ancien combattant des guerres de Corée, endetté jusqu'au cou et sans perspective réelle d'emploi. Il va accepter un travail particulièrement facile et lucratif, celui de chauffeur. Mais pas n'importe quel chauffeur, puisqu'on lui demande seulement de transporter des sacs d'El Paso à l'Illinois au volant de son pick-up. Et il va découvrir assez rapidement, en fait, qu'il s'agit de drogue et qu'il travaille pour le compte d'un cartel mexicain. Donc, un go-fast apaisé, on pourrait dire. Mais alors que ses factures passent au rayon des mauvais souvenirs, le poids de son passé refait surface, aider la famille et les amis. Il ne peut s'empêcher de leur venir en aide en poursuivant cette activité, mais il va devoir faire vite, car Colin Betts, agent de la Drug Enforcement, l'administration qui est chargée par l'Amérique de lutter contre le trafic de drogue, va se mettre à traquer ce personnage, et c'est tiré d'une histoire vraie. Mmh. Eh oui, comme quoi, Eastwood, il est excellent, en plus là-dedans, c'est vraiment... Comme quoi, même encore à 92 ans, ouais, avec jury numéro 2, et là, il est en train d'en préparer un autre. Parce qu'on en veut du réalisateur, il y en a par rapport à son dernier film qui disent qu'il serait peut-être temps qu'il prenne sa retraite, mais effectivement, à son âge, c'est quand même exceptionnel de faire ça. Et puis, quand... le film qu'il a fait, jury numéro 2, je l'ai vu, ben, il n'est pas si mauvais que ça. Hein, quand on voit les navets qu'on nous passe en disant que c'est des chefs-d'œuvre, des fois. Donc... Enfin, bref. Maintenant, on va passer à coup de cœur rétro. Et là, pareil, un grand fan de jazz, puisque c'est Série Noire pour une nuit blanche, Into the Night, un film américain réalisé par John Landis, et qui est sorti en 85. Et c'est l'histoire d'Ed Hodgkin, joué par Jeff Goldblum. Rien que ça. Hein, Jeff Goldblum, un grand amateur de jazz. Grand amateur de jazz. Qui lui-même est pianiste, voilà. Et souffre d'insomnie, et ce personnage mène une vie terne avec son épouse qui le trompe, rien que dès le départ, on est dans l'ambiance, pauvre gars. Une nuit pour tromper l'ennui, se rend à l'aéroport international de Los Angeles pour flâner, qu'il est stationné tranquillement dans le parking souterrain, une jeune femme poursuivie par des hommes va se réfugier dans sa voiture et se retrouve entraînée dans une sombre histoire de vol d'émeraude avec la belle Diana, jouée par Michelle Pfeiffer. Ah, oui. Donc du John Landis, ça bouge, des acteurs vraiment intéressants, un peu foutraque, mais ça commence sur un rythme désenchanté mou et ça finit vraiment 200 pas. À l'heure. Voilà. Et puis, le coup de cœur news pour terminer. Donc actuellement, Ridley Scott tourne un nouveau film de science-fiction qui s'appelle The Dog Star, et ça sera avec Jacob Elordi, Margaret Qualley et Josh Brolin. Le synopsis se présente ainsi. Dans un futur proche où une pandémie sans nom a décimé la société américaine, Hi, un pilote, vit sur une base aérienne abandonnée du Colorado avec son chien et un ex-marine. Et lorsqu'une transmission aléatoire passe par la radio de son Cessna de 1956, donc un vieil avion, la voix fait naître au plus profond du pilote l'espoir qu'une vie meilleure existe en dehors de leur périmètre étroitement contrôlé. Bien, bien, bien, ça paraît bien alléchant comme synopsis déjà. Alors, est-ce qu'il va nous faire du Ridley Scott comme il a pu faire, des super films, alors les derniers, le Napoléon Navet Voilà, et c'est vrai qu'on est un petit peu personnellement, je suis un peu moins enchanté par les derniers Ridley Scott. Oui, c'est pas ce qu'il a fait de mieux et tout. Après, il peut toujours rebondir, parce que c'est quand même quelqu'un qui a... Les phénix renaissent de leur cendre de temps en temps, on espère seulement ça. Et bien maintenant, on va passer vraiment aux questions sur le thème du jour, du jazz. Donc le jazz au cinéma. Ouais. Alors, quel est ton film favori du thème du jour ? Alors, mon film favori, c'est Born to be Blue, de Robert Budreau, avec Ethan Hawke, qui compte l'histoire de Chet Baker. Un film qui a une dizaine d'années, à peu près, et qui raconte l'histoire de Chet Baker, à partir du moment où, un jour, dans un problème de drogue, il se fait tabasser et donc se fait détruire la mâchoire et les dents, ce qui est quand même un petit peu embêtant pour un trompettiste. Tout le monde lui dit qu'il ne pourra plus jamais rejouer. Et ça raconte en fait l'histoire, comment il va remonter la pente et réapprendre complètement à jouer de la trompette et à chanter aussi, puisqu'il chante. Et puis revenir après dans les années 80 et son long combat et sa dépendance à la drogue aussi, etc. Et c'est un film un peu onirique en plus. On passe du présent au passé. Il y a des allers-retours et qui sont pas forcément matérialisé, c'est-à-dire que tout d'un coup on se retrouve dans une scène de studio des années 50 alors qu'on croyait être dans les années 80. Enfin, c'est étrange, tout se passe un peu dans sa tête. On est dans la tête de Chet Baker et c'est pas simple. Alors, quel est selon toi l'acteur qui représente le mieux le thème du jazz au cinéma? Eh ben, Forest Whitaker dans Bird. Là aussi, on est encore chez Clint Eastwood parce que il personnifie merveilleusement bien Charlie Parker, donc dont Eastwood raconte la vie dans ce film. Forest Whitaker, qui est un acteur aussi assez extraordinaire, qui vit ses rôles de manière assez étonnante, avec cette espèce de manière de pas y toucher, avec son œil qui se ferme et tout. Ça pourrait desservir des fois, mais à chaque fois. Et là, il est vraiment, voilà, il est vraiment jazzman jusqu'au bout. Très bon acteur, Forest Whitaker. Et quelle musique de film de jazz préfères-tu sur le thème du jour, donc? Eh bien, j'ai choisi La Panthère Rose de Henry Mancini. Et ouais, parce que c'est un thème inusable. Qui est plein de facéties, qui fait rêver, et puis qu'on identifie tous du premier coup, quoi. Enfin, c'est vraiment et c'est à la fois dessin animé, c'est à la fois les films La Panthère Rose avec Peter Sellers, toujours, voilà. Et donc ça regroupe un petit peu les deux aspects, dessin animé et film en image réelle. Oui, c'est marrant parce que cinéma, on verra dans les quiz, je l'ai pas mis, mais c'est vrai que c'est jazz, tout à fait. Mais bon, on verra dans Quiz Super Vue. Je me suis surtout basé sur la plupart des films où vraiment c'est ça parle de jazz. Mais... Ouais. Alors, quel est ton personnage favori, justement, de Jazzman? Eh ben, ça va être un peu redondant, mais ça va être Chet Baker. Ouais. Chet Baker, donc dans Born to Be Blue ou dans le film documentaire qui était sorti, Let's Get Lost, qui est sur ses dernières années de vie, parce que c'est un musicien dévoré à la fois par sa passion pour la musique et par sa passion pour les drogues. Et que voilà, il y a que ça dans sa vie. Il y a des histoires d'amour avec des femmes exceptionnelles qui l'ont tenu à bout de bras alors qu'il les trahissait quoi. Mais c'est un personnage déchirant vraiment, mais qui va au bout de ses passions. Comme souvent des grands génies, il y a souvent avec la drogue, il y a toujours ce côté. Bon pour la création, voilà, mais destructeur pour le bonhomme. Ouais. Eh bien, nous allons passer aux fameuses quiz vues pas vues. Donc, oui. Quoi, tu les as pas vues. Je dis pas vues. Pas vues, simplement. Et voilà. Puis, quand tu les as vues, si tu as envie de faire un commentaire, c'est pas obligatoire. Hein, ouais. C'est comme tu le sens. Ici, on est à l'aise. Voilà. Eh bien, on va commencer par les films avant des années 90. On fera une petite coupure. D'accord. Entre les deux. Eh bien, le premier, c'est Le Chanteur de Jazz. Forcément. De 1927, par Alan Crosland, communément considéré comme le premier film parlant, et où c'est Jackie, qui est joué par Al Jolson, qui est un chanteur de jazz dans un nightclub et qui se fait appeler par Jack Robin. Il est remarqué par l'actrice Mary Dell, qui se propose de l'aider à faire sa carrière. Alors, j'en ai vu des extraits, c'est-à-dire que j'ai jamais vu le film en entier, parce que je sais même pas s'il existe en DVD, et puis au cinéma, il passe jamais. On le trouve sur YouTube. Oui, YouTube, mais je suis pas très... Je suis pas très à regarder des films, des clips éventuellement, mais voilà, des films entiers comme ça, non. Mais ouais, juste en extrait, et notamment l'extrait où Al Johnson chante, c'est magique quand même. Bon, après, on se balade un petit peu plus loin. On arrive en 41. Elsa Poppin de Hopper, un film complètement dingue avec des numéros de danse swing, d'anthologie, par les meilleurs danseurs de l'époque, dont Frankie Manning. Là aussi, j'ai vu que des extraits de ballet. J'ai jamais vu le film en entier, à ma grande honte, parce qu'il paraît que c'est vraiment trop bien. Oh, oui, c'est rigolo. La femme aux chimères, de 50, de Michael Curtis, donc un grand nom du cinéma. un film noir avec un Kirk Douglas en trompettiste de jazz. Eh ben, je n'ai non seulement pas vu, mais j'en ai jamais entendu parler, bon, donc là, je vais me rattraper. Voilà, tu as la liste, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait l'émission aussi, pour que nos auditeurs et nos invités puissent compléter leur plaisir. Ensuite, on a Romance inachevée, de 53, de Anthony Mann, un film sur la vie de Glenn Miller, où c'est James Stewart qui prend le rôle, ouais. Donc la star du swing dans les années 30 avec son orchestre. Alors là aussi, celui-là, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu, non. Je l'ai vu, c'est pas mal. C'est bien joué. Ensuite, L'homme au bras d'or de 1955 d'Otto Preminger, encore un grand nom. Hein. On voit que le jazz a inspiré Frank Sinatra en ex-drogué, hein. Apprenti batteur, avec Kim Novak et des gangsters, et une BO aux petits oignons et un générique mythique par Saul Bass. Oui, voilà. Alors celui-là, je l'ai vu plusieurs fois parce que c'est vraiment un très, très grand film. Voilà, moi aussi, c'est sur le jazz et ses démons. Et même si vous n'êtes pas fan de jazz, ça vous amène justement à écouter, parce que la bande originale, l'ambiance, si vous aimez les films noirs, un peu des polars, voilà, c'est le genre de film. Puis si vous êtes fan de Sinatra, Sinatra, c'est pareil, une carrière ciné pas mal. Tout à fait. Ensuite, Le désordre et la nuit, dans 58, de Gilles Grangier, un film de gangster des films des années 50, avec Jean Gabin, qui se déroule dans des clubs de jazz. Pas vu. Non. Pas mal non plus. Ouais. Donc Gabin et jazz. Hein. Donc, ensuite, bon, alors là, si tu ne l'as pas vu, je ne te crois pas. Donc, on a écouté la musique tout à l'heure, Ascenseur pour les chapeaux, l'échafaud, de 58, de Louis Malle, et on retrouve Maurice René et Jeanne Moreau. Et Jeanne Moreau, vu et revu. c'est comme on l'a bien dit tout à l'heure, ça ne parle pas de jazz vraiment, mais la bande originale. La bande originale est tellement présente. Voilà. Ensuite, là, c'est plutôt vers l'humour qu'on se retourne, puisque grand film quand même, Certains l'aiment chaud, de Billy Wilder, dans l'histoire de deux musiciens de jazz, Tony Curtis et Jack Lemmon, poursuivis par la mafia, qui se retrouvent membres d'un orchestre de femmes. Et à l'intérieur, il y a Marilyn Monroe qui joue du ukulélé. Voilà. Oui. Et puis, ils essayent d'échapper aux gangsters. Enfin, c'est une grande comédie de l'époque. Ouais, voilà. Ça, je l'ai vu plusieurs fois aussi. Avec des morceaux de jazz, justement, ils jouent dans cet orchestre. Sachant que Jack Lemmon a même sorti, à la suite de ça, au début des années 60, un album de jazz. Sous son nom, Jack Lemmon. Pas facile à trouver. Ensuite, on a Le couple de l'escalier en 59 de Robert Wise, encore un grand nom. Donc, un film de braquage avec Harry Belafonte en chanteur de jazz, criminel de dette, qui se retrouve mêlé à un cambriolage. Eh bien, pas vu. C'est pas mal. Surtout Harry Belafonte. J'aime bien Harry Belafonte en plus. Belle voix et bon acteur aussi. Ensuite, Tout au long de la nuit de 62 de Basil Dearden, qui est une adaptation d'Othello dans la scène jazz londonienne des années 60, avec quand même du beau monde au niveau musicien, puisqu'on a Charlie Mingus, David Brubeck, qui jouent leur propre rôle et interprètent des morceaux de jazz. Voilà. Et avec dans le rôle principal Patrick McGowan, qui jouera après dans Destination Danger et dans Le Prisonnier. Voilà, Monsieur fantastique. J'avais passé le générique de ce film dans un des numéros de Osez Jazz. Ouais, c'est un film extraordinaire, très peu connu, mais qui est vraiment extraordinaire, parce que Patrick McGowan est vraiment, on a l'impression qu'il est batteur de jazz, quoi. Il en voit pendant tout ce film, c'est vraiment super. Ouais. Et puis, le jazz, c'est aussi pour les enfants, les jeunes même, familial, puisque Les Aristochats, en 70, un long métrage d'animation de Walt Disney, signé Wolfgang Reitherman. Donc, c'est le Disney avec la BO la plus jazzy, et cette scène avec le Scat Cat et son orchestre, Everybody Wants to Be a Cat. On en a parlé aussi avec Mowgli tout à l'heure. Puis souvent, dans Disney, dans ses dessins animés, il y a de la musique. C'est le côté américain, comédie musicale, ils aiment bien. Et on a du jazz. Mais celui-là, là, on voit vraiment. Là, on est vraiment dans un univers jazz. Ça, bien sûr, je l'ai vu et revu. Les Aristochats, trop bien. Ensuite, New York, on a écouté la BO tout à l'heure, de 77, de Scorsese, ça te plaît bien. Le couple De Niro et Liza Minnelli, une chanteuse et un saxophoniste de jazz. Voilà, De Niro qui joue vraiment du saxo dans le film, il a pris le saxo pour pouvoir jouer la bande originale du film. Ensuite, Que le spectacle commence, All That Jazz de 79 de Bob Fosse. un brillant chorégraphe de Broadway qui s'appelle Joe Gideon, joué par Roy Scheider, Monsieur les Dents de la Mer, le shérif Brody, c'est lui, entre autres, prépare son dernier spectacle, qu'il veut que cet opus soit la comédie musicale la plus explosive et la plus érotique de sa carrière. Et on retrouve Jessica Lange dans le rôle d'une danseuse. Ouais, vu à l'époque, vu à sa sortie, ou peu après, c'est grand souvenir. Ensuite, en 84, on arrive à Swing Shift de Jonathan Demme. Le héros est un trompettiste de jazz dans les années 40, avec Kurt Russell, Goldie Hawn et Ed Harris et Fred Ward. Donc, super casting. Et ben, pas vu. Vu, pas vu. Et sympa. Ensuite, on continue. On est toujours en 84. Alors là, je pense que tu l'as vu, celui-là, Cotton Club de Francis Ford Coppola. Mmh. Encore un grand nom, on voit quand même. Hein, le jazz, ça attire des grands noms. Hein. Mmh. Film avec, pour cadre, le célèbre Cotton Club, qui était un club de jazz pendant la Prohibition. Donc, on trouve, bien sûr, des femmes fatales et compagnie, des gangsters. Et on retrouve Richard Gere, Gregory Hines et Diane Lane. Bon casting. Beau casting. Gregory Hines, il est super là-dedans. Le rôle lui va comme un gant, une espèce de petit gangster, petite frappe. Oui, c'est vraiment... Ensuite, bien, là aussi, je suis sûr que tu l'as vu. Autour de minuit de 86 du grand Bertrand Tavernier, par la taille et le talent. Et c'est, j'ai eu l'occasion d'interviewer deux fois. C'est vraiment. C'est un de mes meilleurs souvenirs de ma coup de carrière d'interview. Ouais. C'était vraiment quelqu'un de charmant, très cultivé. Et en plus, ayant tourné avec des gars comme John Ford, enfin, c'est. C'est une Monsieur bible, cinéma. C'est une bible sur le cinéma, oui. Voilà. En effet, oui, donc vu. Et c'était, donc, la vie du saxophonique américain de jazz à Paris dans les années 50, basée sur l'histoire de Bud Powell et Lester Young. Et donc, on retrouve François Cluzet et Dexter Gordon. Dans le rôle principal. Dans les rôles principaux. Grand saxophoniste, Dexter Gordon. Ensuite, tu en as parlé tout à l'heure, Let's Get Lost, en 88, le documentaire qui capte Chet Baker quelques mois avant sa mort. Oui, qui est magnifique, vraiment magnifique. Ouais. Ensuite, bien Bird, en 88, de Eastwood, dont on a parlé aussi, un film sur la vie de Charlie Parker, avec l'excellent Forest Whitaker. Ouais. Et c'est... justement, Eastwood voulait vraiment faire ce film, parce que... On l'a dit tout à l'heure, c'est comme son fils, c'est des amoureux de jazz. C'est des amoureux de jazz et particulièrement de Charlie Parker. Il est vraiment très fan de Charlie Parker. Il tenait absolument à faire un film qui rende sa place à Charlie Parker, qui après, dans les années 80, était un peu éclipsé par les Miles Davis, John Coltrane, dont tout le monde parlait, et on parlait moins de Charlie Parker. Donc c'était une manière de le remettre un petit peu en avant à l'époque. Ensuite, Thelonious Monk, Straight Me Chase de 88, année très prolifique, encore un documentaire très fort sur la vie de Thelonious Monk, un pianiste de génie. Oui, pianiste de génie, superbe documentaire et tout, qui passe bien le portrait de ce pianiste qui était en plus quelqu'un qui avait du mal à communiquer avec les gens. Il avait une forme d'autisme un petit peu complexe et qui faisait qu'il avait du mal à correspondre, sauf à travers la musique. Et c'est vraiment la musique qui a sauvé sa vie, quoi, et qui lui a permis de devenir ce personnage, mais toujours avec sa part d'ombre de ce fait d'incommunicabilité avec les autres. Ensuite, bien plus léger, Suzy et les Baker Boys, un film de 88, vraiment l'année jazz, année. De Steve Kloves. Alors, c'est deux frères, joués par des vrais frères, Beau et Jeff Bridges, qui parcourent les clubs de Seattle avec leur duo de piano, et ils galèrent jusqu'à rencontrer une chanteuse jouée par Michelle Pfeiffer, qui va les sortir un petit peu de la loose, de la spirale de la loose. Ouais, et ça, c'est vraiment un film marrant et qui met la patate. Là, on a parlé de drogue, de choses comme ça, ou de films noirs, mais il y a quand même des comédies aussi, sympathiques. Voilà. Eh bien, je te propose une première pause musicale, après avoir... était jusqu'au début des films de jazz et des années 80, à part Les Demoiselles de Rochefort, la chanson des jumelles de Michel Legrand,

Je l'ai vu, j'en ai aucun souvenir. Il faudra que je le revoie. J'arrive plus à visualiser des scènes. Voilà. C'est surtout la haine des nazis pour le jazz, le swing et compagnie. Et donc, il y a un Christian Bale qui a fait la carrière qu'on sait derrière. Ouais. Ensuite, tu en as parlé tout à l'heure, je crois, Blue Note, Story of Modern Jazz, de 97, un documentaire sur l'histoire du légendaire label de jazz Blue Note. Oui, super, super label et très beau documentaire qui rappelle bien toute l'histoire d'un label assez exigeant, avec des ingénieurs du son pointilleux, etc., et qui a fait tous les bons choix jusqu'au début des années 70. Ensuite, c'est parti un peu, ça a disparu, et puis ça a été réactivé il y a quelques années, plutôt bien. Bon, leur premier gros succès à leur retour, ça a été Norah Jones. On a fait pire comme succès. Vraiment, c'est... Le disquaire, voilà. Apprécier le film. Voilà, le documentaire, vraiment super, super intéressant. Ouais. Ensuite, Accords et désaccords, un film de 99 de Woody Allen. Allen, grand fan de jazz, clarinettiste lui-même. Et c'est vraiment un super film. Et puis, il y a plein de jazz aussi dans d'autres films comme Zelig. Comme il est fan de jazz, ça fait comme Eastwood. Il en place toujours un petit peu. Il va pas mettre du hard rock. Un petit clin d'œil d'ailleurs à Jean-Marie qui a fait l'émission, qui fait son émission Behind the Mask. Ouais. Et là, on avait parlé de hard rock. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est le jazz qui a l'honneur. Okay. Eh bien, donc un Woody Allen assez sympa avec un Sean Penn en guitariste de jazz, terrifié à les deux de rencontrer le grand Django Reinhardt. Ensuite, Ray de 2004 de Taylor Hackford, un biopic sur Ray Charles. Interprète magnifique, c'était Jamie Foxx. Mais un brin aseptisé, parce que, comme tu l'as dit si bien souvent, les artistes, on parle souvent que de la musique, mais la vie à côté, c'est assez olé-olé. C'est un des films préférés de Marlène, il faut le savoir. Oui, tout à fait. Marlène est olé-olé aussi. très beau film. Bon, il y a quelques à côté qui sont oubliés, on va dire, entre guillemets. Mais c'est vraiment, ça retrace bien l'histoire et l'histoire de Ray Charles dans le contexte de l'histoire aussi des droits des civiques américains au fil des années 50. Puis ça a bien lancé justement Ray Charles, les jeunes. Ce qui permet aussi à des gens qui ne connaissent pas forcément d'avoir une approche différente. Tout à fait, oui. Ça fait aseptisé, ça me rappelle un peu le Freddie Mercury, c'est pareil, le film qu'on a fait. Quand on connaît la vie de Freddie Mercury ou d'Elton John, faut que ça soit tout public. On oublie certaines séquences. Voilà. Mais bon, les puristes, eux, vont se renseigner un petit peu plus et sont intéressés. Ensuite, Chico et Rita, 2011, un film d'animation sur l'histoire d'amour entre un pianiste de jazz et une chanteuse d'origine cubaine. Ouais, vu, c'était très beau, très, très bien fait, avec une très, très belle musique de jazz afro-cubain, vraiment, qui était vraiment très, très sympa. Et puis, un beau dessin, des beaux déliés dans le dessin. C'était vraiment, vraiment très chouette, Chico et Rita, ouais. Et puis, un film que Marlène nous a soufflé tout à l'heure, c'est La princesse et la grenouille. C'est bien La princesse et la grenouille. J'allais dire Le prince et la grenouille, non. La princesse et la grenouille, avec justement une histoire de jazz. Je ne l'avais pas cité, mais c'était l'occasion qu'on parle de films d'animation, de le reciter. Ensuite, alors là, un film que j'avais adoré, Whiplash, de Damien Chazelle, sur la relation entre un apprenti batteur de jazz, qui est joué par Miles Taylor, et son prof, on dit sadique, voilà. On peut le dire, il est terrible dans ce rôle-là, en plus, cet acteur est vraiment... Le film est captivant et c'est tendu tout le temps. On est presque à la presse du jeune batteur, là. On s'identifie complètement. Et à la fin, la partie où il fait son solo de batterie et tout, Allez, on se délivre. une vraie délivrance, d'enfin se lâcher après toute cette tension. Et moi, j'ai vraiment adoré ce film parce que j'ai fait un petit niveau de la musique et les batteurs. Moi, j'ai toujours été impressionné par le boulot des batteurs, l'exigence qui est tous les instruments, mais l'exigence. Et j'ai connu des perfectionnistes comme ça parce que j'avais un copain qui prenait des cours avec un batteur. C'était pas à ce niveau-là autant être sadique, mais un niveau d'exigence, jamais content. Ce gars-là était Saint Tourangeau, il a joué dans. Il a fait l'école Dante Agostini, je crois, c'est ça. Ouais. Et il était impossible de jouer avec d'autres groupes. Il jouait, mais à un bout d'un moment, il était tellement exigeant que les groupes le viraient parce qu'il était, il voulait que ça soit parfait. Je ne donnerai pas son nom. Ouais. Il se reconnaîtra peut-être. Ensuite, What Happened Miss Simone, en 2015, un documentaire de Lil Garbus sur l'artiste légendaire et militante passionnée de droits civiques. On en parlait tout à l'heure avec Fred, de Nina Simone. Nina Simone. Qui a marqué son époque. Quand même. Tout à fait, en effet. Alors, je n'ai pas vu celui-là, mais bon, je dois l'avoir à la maison. J'ai une pile de DVD que je n'ai pas voir, vu encore. Comme vous voilà, à voir. Ensuite, Born to be Blue, dont tu nous as parlé, de Robert Boudreau, sur la vie de Chet Baker, avec Ethan Hawke, toujours très bon. Oui, excellent. Et c'est vraiment un film que je recommande absolument, parce que je l'avais mis dans le film de jazz parfait, donc c'est vraiment voilà, ça. Voilà, puis en plus, Ethan Hawke, bienvenue à Gattaca. Voilà, il y a un lien. Ouais. On retrouve les gens. Ensuite, La La Land, qui est de Damien Chazelle, qui comédie musicale sur l'histoire d'amour entre un pianiste de jazz, qui est joué par Ryan Gosling, et une actrice en herbe, Emma Stone. Vu, mais j'ai craqué au bout de 20 minutes, ça m'a ennuyé profondément. Faut aimer les... Déjà, je ne suis pas très comédie musicale, comme je le disais tout à l'heure, et franchement, j'ai trouvé ça d'une platitude. Le seul intérêt, c'est que ça a relancé la comédie musicale. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, donc un petit coucou à Maxine, notre ex-service civil, qui est, elle, une grande fan de comédie musicale. Ensuite, on a I Call Him Morgan, en 2007, documentaire de Colin Kastner, plus de 20 ans après sa sortie de prison pour avoir tué Lee, son mari, musicien de jazz, Ellen Morgan, évoque ce qu'il a laissé et ce qu'ils ont vécu ensemble. Oui, alors je ne l'ai pas vu ce documentaire-là, il faudrait que j'essaie de trouver, parce que Lee Morgan, c'est vraiment un super musicien de jazz, un super trompettiste et... c'est sur le label Blue Note d'ailleurs, tous ces grands albums sont sortis sur ce label-là, et c'est certainement un documentaire très intéressant sur les à côté, justement, un petit peu de l'histoire d'un musicien de jazz. Ouais. Ensuite, Miles Davis, Birth of the Cool, en 2019, le documentaire de Stanley Nelson. Oui, sur l'enregistrement de l'album Birth of the Cool, qui va déclencher un petit peu tout. Là aussi, c'est toujours sur Blue Note. Miles Davis, on est en 56-57. Et c'est vraiment le début de la reconnaissance générale par le milieu du jazz de Miles Davis. Ensuite, Django, un film biographique français réalisé par Étienne Comar, qui est sorti en 2017. Un biopic sur le guitariste Django Reinhardt, le jazz manouche. C'est... Ouais. Déjà, quand on parle de jazz manouche, tout de suite, Django Reinhardt. C'est Django, forcément. Et joué par Tahar Rahim. C'est pas Reda Kateb. Non, c'est Reda Kateb. Ouais, je les confonds tous les deux à chaque coup. Voilà, Reda Kateb qui fait une performance extraordinaire dans ce film. Ouais. C'est marrant, j'ai toujours les deux, j'ai tendance à les confondre. Je sais pas pourquoi. Bah si, parce qu'ils ont tourné. Ils sont copains et ils tournent souvent ensemble. Donc moi j'avais vu très bon film. Ouais, très en bon plus film. Ça, très, très bien, ça nous montre encore une fois de plus. On parlait tout à l'heure dans un des films sur la persécution des nazis avec. C'était marrant parce qu'à la fois. Il fallait brûler tout ça. Par contre, ils aimaient bien les concerts personnels. Écouter, ou en cachette. S'il n'y avait pas Hitler derrière ou un mec des SS, ils se faisaient un petit plaisir. Il y avait quand même des mélomanes. Qui n'étaient pas que Wagner. Ensuite, j'ai mis Saul, un long métrage d'animation de Peter Docter et Kemp Powers. Et c'est un super super film des studios Pixar, très étonnant. C'est un univers là aussi très onirique autour du jazz et de la personnalité de ce pianiste là qui traverse ce film. C'est un objet étrange. C'est pas trop pour les enfants quand même, parce que ça amène des questions un petit peu ardu sur l'existence, sur la mort, etc. Mais en même temps, à partir de 12-13 ans, ça peut faire réfléchir sur la musique et sur la vie, tout simplement. Et puis, plus récemment, Babylone 2022, encore Damien Chazelle. Damien Chazelle, c'est encore lui, oui. Il aime la musique, de toute façon. Donc, sur la transition du cinéma muet au parlant à Hollywood, qui comporte pas mal de numéros de jazz big band de bonne qualité. Et on retrouve Brad Pitt et Margot Robbie. Je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Au départ, ce qui m'intéressait, c'était de voir la décadence, le Hollywood décadent. Et on voit bien ces réalisateurs mégalos, ces acteurs pareils, voir que comment bah, c'était ce qu'on dénonce maintenant avec Epstein et compagnie, oui. Ça se faisait déjà à cette époque-là. Ouais. On n'a rien découvert, oui. Sauf que maintenant il y a Internet et il y a des médias qui sont un petit peu moins corrompus. Voilà. Je dis un peu moins, quand ce n'est pas de la propagande. Enfin bref, ce film, moi j'avais trouvé assez bien, bientôt, je ne sais pas, toi Vincent, si tu avais vu Babylone ? Pas du tout. Donc, voilà. Donc, on va se faire une séance. Voilà, à voir. C'est après, chacun dira si ça lui a. À quand le ciné-club radioactif ? Attends, t'en fais pas, c'est un des projets, ça. Ah, d'accord. Eh bien, maintenant, nous allons passer aux événements sortis qui se passent avec nos partenaires, les CGR Centre et les studios de Tours. La suite de la rétrospective Michael Mann qui continue, et pour la semaine du 18 août, ça sera Miami Vice, donc la série, le film adapté de la série avec Don Johnson à l'époque. Une autre soirée culte, ça c'est aussi la marque de fabrique maintenant des CGR Centre, puisqu'il y aura Taxi Driver, on parlait de De Niro et Jodie Foster. Voilà. Alors ça sera mercredi 18, donc à 19h45. Donc il faudra faire un cruel choix, ouais. Mais il y en aura pour tout le monde. Et puis une autre soirée culte, eh bien, c'est marrant parce comme que par hasard. Je ne savais pas tes choix. Eh bien, on aura Bienvenue à Gattaca le mercredi 16 juillet à 19h45. Donc pour les gens qui n'ont pas vu ce film dont on a parlé élogieusement ici, eh bien, vous pourrez le voir sur grand écran. Ce qui est toujours mieux parce que sur grand écran, c'est toujours mieux. Le studio cinéma n'est pas en reste puisqu'ils vont nous proposer une soirée cinéma bis au car. Donc la 32e soirée cinéma bis du Festival au car de Tours, en partenariat donc avec Nanarland. Alors ça, c'est le vendredi 20 juin à 19h avec le film La chaîne infernale de Takong, réalisé par Lu Chen. Ensuite, un concert, donc toujours au studio, ça sera à 21h, le concert de The Rondells, du rock and folk exotique de Lyon. Alors, ça promet rien que le titre. Et ça sera dans les jardins des studios de Lyon, avec entrée libre. Donc, si vous ne voulez pas voir le film, mais vous voulez voir le concert, vous pouvez venir. Et puis, à 22h, Les Faucons de Paul Boujna, avec Francis Huster. J'avais l'occasion de voir. Alors, donc, cette soirée, comme je l'ai dit dans le dernier cinéma, j'y ai assisté de temps en temps. Alors là, si vous aimez les nanars, il y a aussi des extraits du Nanarland. Alors là, on nous met des morceaux pas possibles, des extraits de films avec des films bollywoodiens ou mal doublés. Et en général, on passe... on rigole bien, c'est une soirée où on rigole bien. On n'y va pas pour la qualité du film, mais on se marre bien. Et donc, c'est dans la tradition au car. Voilà, allez-y, c'est pas cher et c'est vraiment hilarant. Ensuite, eh bien, pour les fans de cinéma, on a eu la nuit des studios. Vincent, d'ailleurs, peut en parler un petit peu, parce qu'il s'est rendu avec sa compagne. Ils ont été faire un petit tour. Malheureusement, moi, j'avais le dos bloqué, j'ai pas pu assister, et ça m'a bien énervé, mais Vincent était présent pour le compte de Radioactive. Tout à fait. Et tu as vu des belles choses. J'ai eu l'occasion, du coup, de voir Avril et le monde truqué, suivi de Rashomon, tu parlais de Kurosawa tout à l'heure, et on a fini sur Nosferatu de Murnau. Malheureusement, les deux films ensuite, on n'a pas eu l'occasion de les voir, un petit peu par ma faute, parce que je commençais déjà à m'endormir. Et oui, à mon grand âge, c'est dur de faire la nuit. Bah, tu verras quand tu auras notre âge. Mais autrement, très bon événement, avec tout un petit stand, avec des ventes d'affiches de cinéma, tout un petit village des associations qui proposaient de la nourriture, etc. Très bon événement, et À refaire. Eh bien, justement, tu pourras t'entraîner parce qu'il y a encore un événement, ça sera le marathon de l'été qui revient au Cinéma Studio de Tours du 4 au 6 juillet 2025. 7 films en version originale sous-titrés français sont proposés sur 3 jours. Et ça va être l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des pépites du célèbre studio de distribution et de production américain à 24 sur grand écran. Eh bien, nous allons arriver à la fin de notre cinéphage. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous les horaires et les films à l'affiche de nos partenaires, les CDR Centres de Tours et Studios de Tours. Pour cela, n'hésitez pas à retrouver leurs sites respectifs. Vous cliquez et vous avez toutes les informations dont vous aurez besoin. Alors, un grand merci à François d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir partagé, vraiment, de pouvoir parler cinéma comme ça. Ça me change un petit peu. Et bon, j'aime le cinéma, donc c'était un plaisir de pouvoir en parler avec toi. Un grand merci aussi à Vincent qui a fait des petites interventions à la technique. Hein. Toujours un plaisir d'assister à Cinéphage. Et c'était aussi très intéressant pour moi d'avoir un spécialiste de jazz parce que moi, c'est le cinéma, mais bon, j'ai vu quand même, j'ai vu pas mal de films, je suis content de moi. Ouais. faut se féliciter de temps en temps. Bah, et puis, oui. Tes anecdotes, ça amène quelque chose, je pense aussi aux auditeurs, ouais. à moi-même, et voilà, donc c'est toujours une joie de partager, hein, que ce soit en musique ou au cinéma, toujours. Et puis c'est un peu le but de Radioactive voilà. et toutes nos émissions. Bon, aussi, vous n'hésitez pas à nous contacter sur Radioactive si vous souhaitez devenir l'invité de ce cinéphage comme François. On ne mord pas, ça se passe bien. Non, oui, c'est bien. Ouais, ouais. On a même du café. Nous vous retrouverons bientôt sur nos antennes pour un prochain cinéphage en alternance avec Cérévore, notre émission sur les séries. Et en attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye les cinéphages.